Star System. Il y a peut-être un quiproquo quand même. Non, il n'y a pas de petit pro. Radio Libre. Ce soir, c'est l'anniversaire de Gérard qui fête ses 40 ans et ça y est, il est arrivé, il a mangé enfin. Il est de retour avec nous. Bonsoir Gérard, comment ça va? Bonsoir Max, bonsoir Manu, bonsoir Fildar, bonsoir Anka. Bon, en forme? Ça va, la forme. Bon, attends, on va lui mettre celui-là. Ah ouais, mais c'est chiant, c'est ça, ça, il y a beaucoup de souffle là. Alors, on va te changer, tiens, on va lui mettre l'autre. Notre Gérard National qui va nous faire la suite du canular de la dernière fois. Normalement, je sais pas, en tout cas, on aura des nouvelles de ce qui s'est passé. Hein, tu te souviens? Hein, quand j'étais parti à Télé France 2? Tu te souviens? Ben, c'est bon, oui. Il marche, ouais. Ouais, mais je me souviens, donc on va essayer d'avoir des nouvelles. D'accord. De savoir comment que ça s'est passé. Voilà. T'as lâché une perle, toi. Non, c'est moi. Oh putain! Oh là là là là, il y en a marre, c'est moi, là. Putain! Mais ça sent pas! Ah, ça sent pas? Ben alors, comment je vais deviner? Comment j'ai deviné? Non, mais attends, ça sent pas. Est-ce que ça a des couleurs? Je sens pas, moi, je sens pas. Ça a des couleurs. Mais non, ça sent. Oh là là là. Alors, mais toi, ça pue. Je te dis que ça pue. Derrière moi, il sent pas. Je te dis que ça pue. Et comment j'ai deviné? C'est peut-être Gérard. Comment j'ai deviné? C'est Gérard. Comment j'ai deviné? Non, ça sent le toit. Ça sent le pus. Ça sent l'odeur du qui vient du cul, quoi. Tu fais du cul. Putain, t'as prouté. Oui, j'ai prouté, mais je ne sens pas. Oui, mais ça, c'est une chose. Mais on sent jamais son prout. Et même on est bien dedans. Non, mais pour certains, c'est en guise de parfum. Alors, ça fait toujours du bien. Moi, je te dis que t'as prouté, ça, c'est ça. J'ai prouté. C'est moins violent, je le reconnais, que cette fil d'art ce soir. Pour qui tu dis ça? Putain, on est entouré de trois trucs, là, immondes. Pourquoi tu dis ça? C'est pas un troisième regardant. Pas trop. Ah là là, malheureusement. C'est pas moi qui pète aux yeux. Mais non, c'est pas Fil d'art et Manu, moi. Il y en a qui proutent des aisselles. C'est une horreur. Anka qui nous a même dit, et qui a reconnu qu'aujourd'hui, pour réussir à avoir tout ce qu'elle pouvait faire ce soir, elle s'est mise en quête, qu'elle en a même transpiré sous les aisselles. Ce soir, on est gâté. C'est la journée pour ça. Je pense que je vais balancer du Chanel égoïste pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. Tout le monde. Voilà. On va venir directement sur ce qui se passe dans le loft et sur le plateau de M6 en direct, puisque Benjamin Castaldi a fait une surprise à Aziz. Jean-Claude Van Damme est venu lui parler et lui rendre une petite vision qu'on écoute. Pour lui qui se réalise ce soir, il avait des modèles, il avait dit un jour j'aimerais rencontrer Bruce Lee, c'était plus possible, Jackie Chan, et il a dit il y en a un que j'adore, c'est Van Damme. Alors, moi j'ai un truc à vous proposer. Aziz, il veut faire du cinéma. Ouais. Il veut pas devenir le concurrent de Jean-Claude Van Damme. Mais en parlant de concurrence, il y a une différence entre être jaloux et envieux. Jalousie, c'est pas bien. Mais envieux, c'est très très bien. Parce que être envieux, c'est faire mieux que moi. Alors son enfant sera mieux que lui, mon enfant mieux que moi. Et c'est comme ça qu'on travaille au monde. Hein? Boum. Bon. Ok. Oh ouais. Ah, c'est du Van Damme, hein, en même temps. Ceinture verte de karaté. Ok. Super. Vous êtes ceinture noire, je ne sais pas combien tu aimes Dan. Oui, mais il y a beaucoup de ceintures. Il y a des gens qui sont. Les ceintures, c'est pas tellement. Ce qu'il faut, c'est qu'on a du cœur. Ouais. C'est Aziz a du cœur. Et Aziz, il s'entraîne tous les jours. Et une ceinture, ça. Il est chez lui, Van Damme. C'est pour tenir un pantalon. Hein. Oui. Ah, Aziz, ouais. Je vous laisse profiter de Jean-Claude. Il est là ce soir sur le plateau. D'accord. Toutes les questions qui vous passent par la tête, vous lui posez. Il va répondre parce que je le connais bien, Jean-Claude. Ok. Et il est ouvert. Open. Ouais, ouais. Ouais, donc moi j'ai suivi un peu et puis énormément ta carrière et je sais qu'il fallait que tu partes aux États-Unis pour pouvoir confirmer tout ton talent et je voulais savoir, ça a été vraiment difficile et le premier, la Cœur de Lion, c'est un peu l'histoire que tu as vécu un peu aux États-Unis, un peu est-ce que tu as vécu ces combats un peu réels ou quoi que ce soit ou c'est vraiment un scénario qui t'est apparu? Tu sais, d'abord, quand je suis venu en Amérique, j'avais vraiment envie de réussir en cinéma. Tu vois, c'était un rêve d'enfant, un rêve énorme. Et pour moi, arriver à être acteur, parce que tu sais, quand on te dit, quand t'es petit, quand il y a des gens de ta famille qui te disent, fais ceci, tu peux pas aller plus haut que ça, ou fais pas ça, ou fais pas ceci, parce que ça, c'est pas bien pour toi. Et tu suis les règles de la vie, les règles de... Comme les religions, tu suis. Les gens aiment bien suivre, parce qu'ils doivent suivre, puisqu'ils ont perdu. On rappelle que c'est en ce moment direct sur M6. Je parle avec mon cœur. Jean-Claude Van Damme qui est venu faire la surprise à Aziz. C'est une coïncidence qu'on se connaît parce que maintenant je suis ému. Et parce qu'on va parler de réussite, ok? De réussite. Jean-Claude. Alors, attends, c'est pas. C'est la France qui nous écoute. T'as la plus grande écoute, t'as 8 millions de personnes, ok? Alors. Ah, Jean-Claude Van Damme, il est dans son jardin, d'accord. Bon, il sait pas très bien parler, mais bon, il faut dire aussi qu'il parle beaucoup plus anglais que français, peut-être. Ton cœur dit. Et tu dois croire encore plus ce que tu crois. Et quand tu commences à croire ce que tu crois, Il n'y a personne au monde qui peut te bouger. Tu vas où tu veux. Bravo. Merci Jean-Claude. Et c'est pas moi qui parle. Ouais. Honnêtement, c'est pas moi qui parle. Parce que parfois, il y a des gens qui sont perdus dans la vie, qui vont très haut. Aziz va en Amérique. Il va peut-être ou peut-être pas réussir. Je ne sais pas. Attendez, laissez-moi parler comme moi je pense la vie. Et allez, parfois on réussit, et tout va très bien. Ouais. Non, attends, je suis plus fort maintenant. Et ce qui se passe, c'est que quand tu réussis, je peux jouer, hein. Je sais. Non. J'ai perdu beaucoup de muscles. Oui, j'ai perdu va, beaucoup ouais. de muscles. Bien sûr. Beaucoup de muscles. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu vas réussir, Aziz, il y aura des tentations. Parce que quand tu es loin des parents. Et la famille, et tu es seul, et tu fais confiance à des gens, à des producteurs qui disent je vais te protéger, je vais faire attention à toi, je vais te vraiment donner du cœur. Il est spontané, il est vrai quoi. Ils sont chauds quand même. Alors tu viens avec ton talent de karatéka, tu comprends, t'es un sportif. T'as pas encore la tête du businessman, du tueur, du requin. Alors tu fais confiance à des gens comme moi, j'ai fait confiance. Et parfois, il y a des gens qui tombent avec des affaires comme ça dans la drogue. Ok ? Alors ce qu'il faut faire, il faut se relever. Hein? Et moi je te dis, j'ai fait des mistakes, des erreurs dans ma vie, hein? Des grandes erreurs, tu vois. Mais attention, personne n'est parfait, mais j'ai fait. Et ces erreurs, peut-être qu'aujourd'hui, ce soir, ces erreurs, elles sont ici. Ah, stop, arrêtez l'éclatement, merde, arrêtez cette histoire. Je parle du cœur ici. On n'est pas du show business. Ok, je suis un homme qui parle à un homme maintenant, un jeune garçon. Ok, encore un enfant. Je vois les yeux, il est très fier, il est très arrogant. C'est ce qui se passe. On va réussir, il a besoin de ses yeux de tigre. Putain, mais c'est un fou. C'est un show. Oh, sinon, c'est devenu dingue ou quoi? Ouais. Ok, c'est pas moi qui l'ai dit, ok? Parce qu'il y a des enfants ici. Ok, alors Aziz, ne fais pas ce soir. Si moi j'ai payé parfois des conneries pour les autres, et même que les magazines ils te prennent en bout, c'est pas grave, c'est bien. Parce que ne tombe pas comme j'ai tombé. Parce que maintenant, attention Aziz, maintenant je suis remonté, hein. Maintenant je suis en forme, hein. Parce que maintenant j'ai trouvé en moi quelque chose qui est super. Quand maintenant j'ai besoin d'une question. Je rappelle qu'on est en direct avec Aziz et Jean-Claude Van Damme qui lui fait la surprise de venir sur le plateau de Love Story et que Benjamin Castaldi a disparu. Voilà. Non mais c'était important de le dire. Ouais. Hein? Maintenant je me sens bien. Juste à me sens bien, et ben pour reprendre ses esprits, The Replicant sort le 11 juillet et en garde un extrait. Ah si tu veux. Voilà le show qu'il nous a fait là, dis donc Alain de Brest pendant qu'on y est, car ce soir c'est un gros dossier. Nous allons revenir sur Love Story, bien sûr. Ce soir c'est la sortie d'une des trois demoiselles, ils sont complètement fous, on a l'anniversaire de Gérard, on a beaucoup de choses à gérer. Vous de l'autre côté de la radio qui allez probablement 10-23h avoir envie de réagir sur la sortie de Kimi, de Loana ou de Laure. Alain, ça va? Ça va. Ah ça y est, merde. T'es obligé de parler moins fort, 10h. Dès qu'il passe 10h, tu peux plus parler. Oui, pour à cause du temps. Bah oui, je sais bien, mais enfin à 10h04 quand même, tu peux faire un petit quelque chose, un petit effort. Tu avais un texte pour Gérard, oui, dont c'est l'anniversaire ce soir, c'est 40 ans. Voilà, un petit texte pour Gérard. Ah, vas-y. Que je suis vraiment très heureux de pouvoir qu'il entende vraiment en fond de radio une émission qui vous divertit tous les soirs, y compris les débats de Gérard. Mais ce soir, ce jour célèbre est encore plus qu'auparavant, car aujourd'hui il fête ses 40 ans. Quel bonheur de le revoir avec Max, la Star System et toute son équipe pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Vous, les fidèles auditeurs, restez bien branchés sur la number one de la station FM pour vivre ce grand moment de sa carrière. Et surtout, aussi, je m'adresse également à la station brestoise. Restez bien branchés sur 98.9 FM pour dialoguer avec la star suprême, la star système de la bande FM, Max. Yeah! Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Non, c'est bien comme test. C'est bien, hein? Bien. Ouais. Merci, Alain. Voilà, très bien. Tiens, recule un petit peu parce qu'on a des petites. Encore, voilà, pour qu'on ait les micros un petit peu plus éloignés. Notre ami Alain, bravo. Je sais que tu ne peux pas trop parler. Non, mais. Quand je te dis c'est ça, quoi. C'est vraiment, il faut le faire. Excusez-moi, j'explique un truc à agir. Bravo, Alain, franchement. Hein. Merci. Rien à dire, hein, vraiment, bravo. Donc tu peux pas parler trop fort, on va peut-être pas rester trop longtemps. Non, par contre je voulais dire que toute cette fameuse l'équipe Lopitori, c'est toute une fameuse équipe et qui est vraiment c'est une nouvelle conception créative et puis bon. Ouais, je sais, t'aimes bien de prendre la tête avec des trucs tout simples toi. Hein. Moi-même qui partage beaucoup dans les différentes compétences artistiques et justement comme on parlait de d'Adiz et puis Jean-Claude Van Damme, moi je suis pratiquant en arts martiaux depuis plusieurs années aussi. Ah. Et oui. Je pratique le kung-fu aussi. Et justement, et pour moi, ma philosophie du Kung Fu, et comme je suis sûr, comme tous les pratiquants, c'est avoir un meilleur mental et la beauté du geste. Voilà. Merci beaucoup Alain, bravo, oui, grand oui. talent, bravo, bien joué, vraiment bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Oui. Alain, bonne bourre à toi. Bonne bourre à toi également, et puis à toute votre super équipe. Merci beaucoup, on remercie tout le monde, on les salue pour toi. Alors justement, Gérard de Suresne, dont c'est les 40 ans ce soir, c'est son anniversaire. Happy birthday to you. Donc plus tard, on fera Carmen, après on fera Nantes de Bordeaux, et donc c'est l'anniversaire. Happy birthday to you, Gérard. Happy birthday to you, Gérard. Alors, Gérard, on chante. Hein. Happy birthday to you, Gérard. Happy birthday to you. Et comme c'est l'anniversaire d'Anne Caisse et qu'on l'avait pas fait de toute l'ambiance, on l'a pas oublié, on lui a fait un petit gâteau et qu'elle boit. Qu'on n'oublie pas. Happy birthday to you, Christine. Happy birthday to you, Christine. Non, ce sont des. Les gars, ce sont des. On recommence. Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Attendez, c'est aussi l'anniversaire d'un pote qui s'appelle Stéphane. Happy birthday to you, Stéphane. Happy birthday to you, Stéphane. Happy birthday to you, Stéphane. Happy birthday to you. Allez, on se fait une copine aussi, Stéphanie. Happy birthday to you, Stéphanie. C'est vrai, j'allais le dire. Stop, attention, allez. Maintenant. Chacun a un gâteau. Gérard a le sien, Sandy. Anka a le sien, voilà, parce qu'il y a Sandy aussi de l'autre côté qui doit souffler également, peut-être un instant. On ne sait pas où il a traîné. Attention, on va compter jusqu'à 3, ils vont souffler, on va voir qui a plus de souffle, sachant que Gérard, bien sûr, a 2 bougies, alors qu'Anka n'en a qu'une. Oui. Mais il n'a qu'un poumon. 1, 2, 3. Bravo. Les cadeaux, on va les offrir dans un instant. Voilà, il y a du cadeau pour Anka, il y a du cadeau pour Gérard, il y a du gros paquet pour chacun. On va revenir également avec Carmen, dont tu avais fait le petit canular semaine dernière. C'est pas vraiment un canular, si c'est un canular. C'est un pur canular. Alors, elle voulait un coup de main par rapport à un mec. Carmen, tu es avec nous? Léa, c'était quand j'étais. C'est quand lundi? C'est lundi soir? Ouais, lundi, quand, quand j'ai dû partir précipitamment pour parler avec des gens en cravate à la télé. Et c'est donc Fildar qui m'avait remplacé. J'ai suivi ça d'assez près. J'écoutais attentivement dans le taxi. Et je trouve que Gérard s'en est très très bien sorti. Suite à ça, bah, tu vas nous raconter. D'accord? D'accord. Oui. Le Star System. Est-ce que tu es déjà parti au Canada donner à manger aux baleines? Mais non, mais c'est faux. Est-ce que tu es allé? C'est pas des baleines, c'est des kangourous. Radio Libre sur Fun Radio. La pure radio libre comme vous l'aimez, c'est 2 0800 308 5000 et vous pouvez nous appeler. Attends, mais t'habilles super fort, non? C'est pas. Non, c'est pas. Non, c'est mieux comme ça. Excusez-moi, c'est moi. 0803-08-5000, bien sûr, si vous voulez intervenir, nos malaises. 0033-803-08-5000, si bien sûr vous voulez appeler de Belgique. Gérard, c'est ton anniversaire ce soir, c'était 40 ans. Et toutes tes dents. Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Gérard? Et tes deux dents, pardon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Gérard? Bah, du bonheur, c'est tout. Eh ben, on te souhaite tous du bonheur, hein, d'accord? On est bien bonheur, d'accord. Du bonheur, vraiment du bonheur. Aussi. Alors, Gérard va ouvrir ses cadeaux. Et puis Anka aussi peut-être. Alors voilà, on n'est pas arrivé les doigts. Waouh. Elle aime bien le sac. Ça n'a rien à voir. Anka démarre. C'est un sac Zara. Allez, mets-toi. On fait pas la course alors. T'aimes bien les cadeaux Zara. Les petits trucs de chez Zara. J'adore Zara. Ah bah voilà, bah, l'auditeur, si vous êtes là, Zara, voilà, faites des cadeaux à Anka, Zara. C'est la classe, les potes, hein, les cadeaux et tout. Putain, dans un sac Monoprix. Mais attends, ouvre d'abord. Ouais. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Je vous connais de toute façon. Seulement pour adultes, uniforme. Bah ouais. Eh ben voilà, ben c'est nickel ça. Ça fait voir, ça. Ouais, c'est bien, c'est un petit t-shirt. Oh, c'est mignon ça. C'est un petit truc moulin très à la mode en ce moment avec marqué Game, c'est ça. Tu crois, Gégé? En uniforme adulte, seulement pour adultes. On a des points communs quand même. Ouais, mais pas du même jour. Ouais, mais bon. Ouais, non, ça mériterait de niquer quand même un soir ensemble. Ah d'accord. Tu vois ce que ça peut donner. Ah bah deux Gémeaux, c'est électrique. Hein. Alors, donc ça, c'est le premier cadeau. C'est la classe. Hein. Ton mari, qu'est-ce que tu lui as acheté, toi, pour son... Ouais. Alors ça, c'est un... C'est j'y crois pas, t'as rien de moi, ça. Fais-le en l'air, fais-toi bien. Ouais. Oh, j'y crois pas, attends, on va t'amener les cadeaux. C'est une forme de god, ce cadeau. C'est une spéciale dédicace pour toi. Ah ouais, d'accord. On a pensé à toi, Marco, aussi. On s'est dit si t'avais une faiblesse. Putain, un god, on en avait pas. Un god. Je sais pas, on va voir. Ah, attention. Je le prends bien comme ça, quand même. Elle va ouvrir son deuxième cadeau offert par l'équipe. Disons que c'est un god naturel. Au point de vue budget, on était limité, donc on a pris une courgette. Une courgette. Vas-y, mets-la dans ta bouche pour voir si tu y arrives un petit peu. Bien sûr, facile. On passe côté là, l'autre peut-être. Ouais, mais l'autre, il y a le truc, tu sais, le truc. Et alors, c'est pas grave, c'est bon, c'est comme un gland. Oh, non, t'es pas terrible, toi, tout pas vous autres. Ouais, t'es bon, petite boue, ouais. Ouais, enfin là, c'est quand même une grande courgette. C'est une grosse courgette avec un gros kiki. Attention, moi, dans le gros dossier. Gérard, attends, il y en a encore. Il y en a encore, pardon, je vais voir. Excuse-moi, alors, troisième cadeau, c'est pas fini de sa gueule. Celui-là avant. Ah, parce qu'il y en a deux encore. Ah, ouais. Putain, les auditeurs, je vous le dis, quatre cadeaux. Alors là, il y a quand même un moulin très joli venu de chez Zara. Vraiment, ça, c'était vraiment un cadeau. Ça, c'était vraiment du pur cadeau. Donc là, ça, la précise Zara. C'est tous des cadeaux, c'est que des courgettes aussi. Qui viennent de chez Zara, ça, c'est quoi? Bien. Alors ça c'est quoi? Tu commences à me connaître. C'est un magnifique rasoir Vénus. Voilà. Trois lames ou pas? Trois lames. Ah, trois lames c'est bien. Pour la tocha, voilà, pour tracer la tocha. En fait, faut expliquer, c'est que Marco nous a dit que tu prenais son rasoir gilette trois lames pour te raser la chatte. Je lui ai annoncé. Donc voilà. Ah, ouais, c'est bien aussi le sien. Le troisième. Et là, c'est un truc pour filles. C'est pour ça qu'il fait exprès. C'est pour ça qu'il sent la chatte quand je lui fais la bise, c'est ça. Parce que quand il se rase la beubare avec les. Il se rase jamais. Non, mais quand il se rase avec les. Sans froid là, quand tu t'es rasé juste avant la tocha, bah forcément, des fois, ils sont le pipi. Ah ouais. Moi, tu sens le bibi quand je te fais la bise. Ah, c'est pour ça. Un deuxième t-shirt. Il y a un deuxième t-shirt encore. Bah, dis donc, encore de chez Zara. En plus. Eh ouais. Putain, tu vois, j'ai même pas vu. Ça va ? Il est bien aussi celui-là. Hein. Ah, c'est, ouais, c'est bon. Putain, il fait des trucs sympas maintenant. Ouais. Hein. Ah, franchement. On a galéré un peu, mais quand même. Non, c'est sympa, Zara. Ouais, bah, non, mais c'est pas ça, c'est qu'on mettait tous les culs des meufs qui étaient là-bas. La collection était bon. Pas bonne cette année. Ça, c'est le truc à faire, les mecs. Même si vous aimez pas faire les boutiques de nana, moi je sais que j'aime bien les faire, mais alors putain, quel plaisir de passer une après-midi complète. Parce que quand vous pensez que la nana, vous avez votre copine qui dit putain, quand même, j'ai un mec formidable. Toute l'après-midi, il est là, il fait les boutiques avec moi, il me conseille et tout. Mais moi, je suis dans les boutiques, il y a que des meufs. Il y a pas un mec qui aime bien faire ça, ils sont tellement peu nombreux que je suis carrément, c'est comme si c'était un harem. Mais il n'y a que des pures meufs, surtout dans des magasins genre Zara, Naf, Morgan. Bon, après, il y a d'autres marques, mais ces marques-là sont les gens. Moi, quand j'y vais, j'ai l'air d'un délinquant là-bas quand même. Hein, ah, non, c'est chaud. Hein. Ça, mais les meufs qu'il y a. Non, moi, j'adore, moi, les meufs, mais je pleure. Moi, c'est fabuleux, les nanas. Mais c'est en plus, quand ta nana, elle te demande d'être dans la cabine d'essayage, dans des grands magasins comme ça, surtout à Paris, il y en a au moins 15 cabines d'essayage. Quand ta meuf, elle te demande de rentrer, la nana, elle accepte. Je peux rentrer, voir ma copine, elle m'appelle, donc elle dit oui. Mais là, t'en profites, putain, tu regardes par les petits trucs. Oh, les petits culs, les seins, les machins. Je fais exprès, tu deviens ouf. Scandale. C'est pas vrai, ma princesse, t'es premier, je regarde que ton cul et tes seins. Voilà. Et ce que tu portes aussi quand tu essayes, bien sûr. Hein. Alors, Gérard, maintenant, gros dossier, on peut attaquer le gros dossier. Ouais. Ah, ouvert les cadeaux de. Pardon. De Anka. Et puis maintenant, on va ouvrir les cadeaux de Gérard. Sylvain, on commence par lesquels? Ils sont tous gros, mais je sais que des fois, il peut y en avoir un plus que l'autre. Quoi, donc, je sais pas, celui-là, c'est encore. Allez, on y va. Le plus gros d'abord. Le plus gros d'abord. Alors le gros cadeau, le gros cadeau. Déjà un gros papier cadeau. Attends, je peux prendre l'enveloppe, je peux la lire ou... Non, tu peux, de toute manière... Explique comment il y a le papier cadeau, Gégé. Oh non, je peux pas expliquer. Bah, dis-le que c'est un sac poubelle. C'est un sac poubelle. Ça m'aurait étonné. Alors... De manière, je pense que celui qui a fait ça... Cette année, je te gâte comme c'est pas possible. C'est qui? Oh non, mais de toute manière, t'inquiète pas. C'est Pitcho Boy. Ah, il est... Pitchou Boy. Il va pas être déçu celui-là, je pense. Attends, bon, on va regarder. On va... Attends. Voilà, attends, je l'enlève. Un gros carton, hein. Il enlève le. Et du scotch. Le scotch. Suspense. Voilà, suspense. Renifle suspense avant pour voir s'il n'y a pas du caca qui va sauter. Ça, je m'en doutais. Oh là là. Alors, j'en doutais des conneries. Alors, dis ce que c'est. Dis ce que c'est. Du please. Bon, ça. Des coton-tiges. Des coton-tiges. Ça, du truc pour les chiottes. Ah, ça, c'est bien, ça, il en faut. Je crois que c'est à la turque chez toi, non? Mister Cocktail, non? Il y a plus rien. Mister Cocktail de l'époque, des débats? Ouais. Il a fait des plus folles? Peut-être. Non, il y a plus rien. Non, mais c'est déjà pas mal. Tu sais que la bouteille, c'est sans alcool, GG. Il y a plus rien là-dedans, c'est sans alcool. Je suis sûr qu'il préfère encore boire du gel WC que du sans alcool. Ça, c'est... Alors, voilà. Ça va avec quoi? Tu pourrais dire merci, merde. Bah, je le remercie. Voilà, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Il s'appelle... En bas. Je crois qu'ils sont deux. Almador et Speed Showboy. Showboy. Putain, mais tu sais pas lire. Moi. Pipe Showboy. Ouais, mais il fera des pipes ailleurs, lui. Allez, ouvre le deuxième cadeau. On va lire la lettre pour toi, parce que c'est un truc de joyeux anniversaire. Ah, ça, c'est... quoi? Ça, à mon avis, c'est... C'est quoi, ça? C'est quoi? Alors, le tandem. C'est quoi? C'est des capotes. Des capotes anales. Des capotes pour le cul. Garde-le, ça peut servir. Non, jette pas ça par terre. C'est la nuit, c'est pour la nuit. C'est qui ça? Ils sont renforcés au Kevlar. Allez, ouvre les autres cadeaux, Gérard. On lira ça après, de toute façon, tu sais pas lire. De toute manière, on sait pas qui c'est. De toute façon, tu sais pas lire. Tu veux qu'on teste sur la courgette ou pas? Allez, continue. On offre encore une enveloppe blanche. Oh, il y en a des cadeaux, fais vite. Putain, ils sont chiants avec ça, là. Oh là là, il y en a des... Oh là là, les cadeaux. Mais je pense qu'il y en a pour toute l'équipe, là. Des cadeaux, là, les bonbons, c'est pour toute l'équipe. Ouais. T'en rêves, toi. Allez, dépêche-toi. Bah attends, Non, mais tu sais pas ouvrir une enveloppe. Mais attends, mais je vais pas esquinter les timbres, espèce d'andouille. Ah ouais. T'es pressé, toi? Collectionne les timbres, tu vois que c'est un... Ça, c'est... Alors. Brosse à dents, ouais bah d'accord, le peigne c'est pas la peine. C'est bien, ça sert, c'est utile. Ouais, ah, c'est un cadeau de merde. Ouais, moi, de toute manière, c'est tous les ans. C'est quoi? C'est une brosse. Mais ça, c'est. Ah, les cadeaux de merde. C'est quoi? C'est une brosse à dents, mais sans reste. Ramanu, ouais. Un filou et joué, un caca. Donc, un mon cerf moustachu, bah ça, tu vois. C'est du gel. En fait, quand Gérard, il achète une brosse à dents, il en coupe la moitié des poils. Tu sais ce qu'a dit Manu? Dans le carton, non, c'est la brosse. Tout, est-ce que c'est une brosse à dents, mais sans S, A et dents? Ouais, on s'en fout. Ah, parce que t'as pas besoin de prendre poil, toi. Faut qu'ils invitent des brosses à une dent, c'est vrai que... Ah, alors, ça, tu slingues, bouge pas trop, je te jure. Ça vient bien de Max, ça. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Je savais que tu... Ah, celui-là. Aussi, ah, ouais, c'est là. C'est quoi devant? C'est toi? Ah bah, IJ. Là, c'est Max, là. Je m'en doutais. Ah, ça veut dire. C'est des cadeaux. Ouais. Eh, ça, c'est un truc qu'on a. Ça, c'est beau. Hein. On les a achetés. Hein. Il y a des States. Tu sais que c'est Alexandre K. Il est con, lui. C'est Alexandre K qui nous a réalisé ça de Beverly Hills, hein. Ouais. T'as rigole pas. Tu veux pas te mettre un coup de prise? I'm out tonight. Les t-shirts de merde. Attends, c'est trop beau. Alors, c'est quoi ça comme cadeau? Ça, c'est du. Non, mais je sais pas, ouvre, on sait jamais. C'est du spray déodorant. Essaye-le tout de suite. C'est du parfum de toilette. Oh, ah, bah, vas-y, dis-donc, mon salaud, c'est quoi comme marque? Merci, hein, tu sais qui c'est. Hein. Bah ouais, en plus. Dis-le, sois gentil. Donc, ceux qui l'écoutent, dommage qu'ils ont pas pu monter, c'est Eric et la petite Roxane. On savait pas que c'était eux aussi, hein, ils ont été très discrets. Bah, de manière. Pour leur faire plaisir à ces deux charmantes personnes. Non. Mets-en pas sur la main, mets-en sous tes bras. Mets-en sur les fesses de Fildar. Alors? Ah ouais? Tiens. Non, Attention, en direct Love Story, tout ce qui s'est mis dans la gueule. Je vous rappelle, chères demoiselles, que vous aurez 5 minutes pour quitter le lot. Évidemment, vous avez fait vos bagages. Oui. Je m'adresse évidemment peut-être... D'abord à Laure, qui est la record woman des nominations, parce que ça fait la troisième fois que vous êtes proposée au vote des téléspectateurs. Loana, ça fait deux fois. Et Kimi, c'est pour vous la première fois. On y va? Attention, on dirait que vous vivez la sortie. Alors on y va. Kimi. Laure, celle qui va quitter le loft ce soir. Et Kimi. Oh, tu puces, ça va? Attends. Qui avait dit ça encore? Max n'avait-il pas une fois de plus, hein, le flair? Oh là, je n'en sortirai jamais, moi. J'ai un talent fou, j'ai un génie. Putain, mais c'est dingue de voyance. Ne t'as pas pleuré, je te jure. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, hein, Gérard? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Bah, rien. Maintenant, bien. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre hein? Gérard, tous tes cadeaux ont été ouverts? Bah, il en reste un, mais c'est pas adressé pour moi, mais on va l'ouvrir quand même, malgré qu'elle soit pas là. Hein. D'accord, c'est pour Bibi, mais il ouvre les cadeaux de Bibi, mais c'est pour les servir en direct aux auditeurs de Fun Radio. On ouvre, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est. Voilà. Voilà, et c'est. J'espère que c'est pas de la bouffe. Non, c'est de eau de parfum, donc c'est du jeune. Brisu. Jeune Brisu, c'est quoi? Ah, c'est de l'art. Ah, ouais, d'accord. C'est quoi? C'est du lard. Ouais. En tout cas, ce qui vient parfum. Quand tu regardes les cadeaux de GG, tu vois, c'est que de l'entretien. Apparemment, bon ben, donc on remercie Eric et Roxane. Donc, t'inquiète pas, Eric, si t'es dans ta voiture, et ben, si tu peux repasser sur un coup de minuit pour venir me chercher, ça serait bien. Comme ça, moi, je te remercierai en même temps. Ouais, parce que on ne sait pas comment rentrer, quoi. Gérard ne sait pas comment rentrer ce soir, donc... Donc, Eric, si tu m'écoutes, eh ben, essaye de nous appeler au 0803-085. Ouais, qui passe directement avec sa petite, comme ça, on aura l'occasion de les voir tous les deux. Voilà. C'est vrai qu'on savait pas que c'était vous qui étiez en bas. Bon, essaye de revenir, alors. Alors, Carmen, avec nos 20 ans, et ensuite, on reviendra en long et en large sur les cadeaux, et tu nous remets encore un petit coup d'eau de toilette, si tu veux. Hein, te gêne pas. Tu peux remettre. Ah bon, ça pue tant que ça? Ah non. Non, mais ça, c'est quand il va péter que je vais le remettre. Voilà. Carmen, ça va? Oui, ça va. T'es avec nous lundi, tu voulais absolument un coup de main venant de ma part, c'est-à-dire que tu voulais qu'on appelle un certain Sébastien qui avait 28 ans. Oui, c'est ça. Et étant donné que je devais partir, c'est Gérard qui l'a fait. Parce que toi, tu voulais savoir quoi de ce garçon-là? Je voulais savoir ce qu'il pensait de moi. D'accord. Et Gérard, comment on pourrait résumer l'histoire de lundi quand j'étais parti? Bah, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, donc il était déjà avec quelqu'un. Et elle, ça faisait depuis le mois d'avril qu'ils sont connus. Au mois d'avril, quand ils se sont connus, lui, il voulait déjà coucher avec. Et apparemment, ils se sont remis ensemble le 11 novembre de l'an 2000. C'est bien ça, Carmen, ça. Hein? Oui, c'est ça. Donc, on l'avait eu en direct. Je m'étais fait passer pour Fred, un ami à toi. Oui. Hein, donc, normalement, on devait le rappeler dans les 10 minutes qu'on suivit. Mais bon, toi, tu n'as pas voulu parce que tu m'as dit comme ça, tu voulais essayer de savoir ce qui en était. Oui. Donc, apparemment, moi, j'ai demandé à Anka, là, quand je suis arrivé, de savoir comment que ça s'était passé. Donc apparemment, tu ne voudrais pas qu'on le rappelle. Donc pourquoi maintenant? Donc est-ce que tu as eu des nouvelles fraîches? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il a su que c'était quelqu'un d'une radio ou pas? Alors déjà, il n'est pas du tout content parce que, bon, en plus, t'as un peu foiré mon coup. Comment ça? Parce que, on s'était donc vu lundi après-midi. Et on s'était bien parlé et tout. Et toi, tu lui as dit comme quoi il m'avait ignoré. Donc ça déjà, ça lui a pas plu du tout. Et il m'a dit, oui, de toute façon, tu lui as raconté des conneries, donc à propos de ça. Il dit, en plus, tes copains, je les connais, donc va pas me dire que c'est un mec qui habite donc à Menou, dans notre ville. Il me dit, c'est pas vrai, ça, je te crois pas. Enfin bref, il est hyper remonté et il m'en veut, quoi. Bon, et, ouais. Max sur Fun Radio. Appelle au 0803-085000. Et viens lui parler. Voilà, et nous sommes toujours bien sûr en direct sur Fun Radio. Nous allons revenir bien sûr sur ce qui se passe en direct sur le plateau d'M6 Love Story. Pour l'instant, ils sont toujours en pause pub, donc on peut revenir tranquillement avec Carmen. On va terminer ton histoire. Lundi, tu voulais absolument savoir si un certain Sébastien, l'ami à toi, pouvait te kiffer. Enfin, s'il y avait une possibilité avec lui. Moi, n'étant pas là, c'est Gérard qui s'en était occupé. Ça s'est mal terminé, hein, Carmen? Carmen! Allez Carmen, c'est pas grave, on fera ça l'autre jour. C'est pas plus mal. Tu récupéreras le coup et puis c'est tout. Voilà. Guillaume, parce que t'as merdé, je vais encore m'occuper. Non, j'ai pas merdé. Bon. Non, mais c'est pas parce que c'est la sortie de Timmy du Loft, mais je m'aperçois que le standard, il est 23h20, et je m'aperçois que le standard est à zéro. Alors vous me faites péter les 24 lignes, ou sinon je quitte Fun Radio. Ouais. Alors maniez-vous. Appelez plus. Alors maniez-vous, appelez. Allez, la radio libre, au 0803-085000. Les amis à moi qui sont venus avec des cadeaux encore pour Gérard. Allez, je vais prendre le petit paquet et je vais lui offrir. C'est quoi, c'est la fille, le cadeau pour Gérard? C'est trop beau. Hein. Ça vient du cœur. Tu n'as voulu rien. C'est son dernier cadeau, alors. Bah, le cadeau, c'est trop beau pour toi, Gégé. La fille qui est avec nous ce soir, il faut que ta nana, c'est le cadeau, c'est qu'on te montre ce qu'on voudrait que ta nana devienne, mince comme ça. Donc il y en a pour 50 ans de régime. Bon, ben ça, tu verras ça avec elle. Hein. Grand minimum. À bouffer quelques lots. Lève pas. Remets un coup de. Tiens, tu vas l'essayer celui-là, tiens, sous les aisselles pour voir un peu ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est? C'est du parfum, c'est du. Harley Davidson. Et voilà! un petit peu de Davidson. Un fil d'art. Non, mais c'est toi qui formes, c'est toi qui choisis. Mets-en sous les aisselles un peu pour voir ce que ça donne vraiment, mais en dessous. Non, mais sous. Non. Non, mais pas sur la chemise. Voilà. N'hésite pas. Ah, c'était de la mousse à raser, merde. Non, vas-y, mets-en. Non, c'est marqué gros dents. Non, c'est pas grave. Mais non, ouais. Mais oui, ça c'est moucheté, mais c'est avec les autres. Tu veux des gants? Vas-y, pas dans mon verre. Direct, on en sent bien. Attends, vas-y, mon verre. T'approches pas trop, ça peut flamber. Vas-y, ça prend rien. Voilà, c'est bon, ouais. Non, mais n'hésite putain, pas. Putain, l'autre, il est en train de m'en balancer pas. Dans le cou. Non. Dans les pompes aussi. Vas-y, va les pompes. Oh, mon salaud. Défais ta ceinture qu'on en mette un peu dans ce libard, il y a besoin. Arrête, il en fout partout, putain. Il en fout partout, ton culé. Ça vient de la part de qui? C'est de la part de tous ces gens-là qu'il faut remercier, tous tes avocats. Je vous remercie. Avocat Suchard. Je vous remercie d'avance. Ah ouais, voilà. Pilder, t'avais qu'à pas péter tout à l'heure aussi. Parce que, non, mais je m'en fous, quand t'es rentré, ça schlinguait le P à mort, et même dans le bureau. Ouais, mais toi, là, c'est encore ce qu'il y a. Bien avec ouais, mais là, moi, non, je préfère sentir ça. Phil, te une sentir, meuf, le quand tu vas aller dans la rue et qu'une meuf, elle va te demander si c'est possible de la ramener, mais tu vas lui dire, mais pourquoi? Elle dit, parce que tu sors la moto. Et ouais, forcément, donc elle va penser que t'as une bécane. Et en plus, celui-là, je l'avais pas. C'est quoi, c'est de déodorant. De la salle des Weberons, Darley Davidson. Donc il y a quoi? Il y a le. Et l'autre toilette. Les et je comprends pas, ça va te servir à quoi l'autre toilette? À ton avis? Non, mais c'est pour la toilette. C'est un problème, c'est un mauvais choix, ça, tout le monde. Mais une fois que t'es rasé, tu te mets où de l'après-rasage ou de toilette? En tout cas, ça fait plaisir, parce que là, tu l'as vraiment mis sous les aisselles et ça change de tout au tout. Ça fait plaisir. Ah. Sandrine, qui attend depuis très longtemps, 28 ans de Toulouse. Ah oui, mais Sandrine, tu sais qu'avec moi, c'est très long. C'est très long, hein. Faut pour m'avoir, pour me connaître, tu verras, et tout ça. Ah, c'est très long. Je comprends pourquoi on dit Max le maître. Et voilà, exactement. Sandrine, 105.8 pour nous écouter du côté de Toulouse. Et Sandrine, on t'écoute. J'étais super contente qu'elle sorte, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est une vraie tête de fouine, quoi. Elle fout la merde partout où elle passe, c'est une vraie tornade, et tant mieux pour elle, quoi qu'elle soit dehors. Parce que moi, elle m'a bien fait marrer quand elle est sortie, qu'elle disait, ouais, surtout, faites pas la gueule, soyez toujours cool et tout. Enfin, le truc qu'ils disent à chaque fois qu'ils sortent, quoi. Mais tous, voilà, c'est le blabla habituel. Tous quoi. Ont dit, justement, si je sors, je dirais mes quatre vérités. Si je sors, je ferai pas un tel et un tel, je redonnerai pas un tel et un tel. En fin de compte, ils sont tous dehors par obligation, par la prod. Ouais. Et puis après, une fois que c'est un jeu, une fois qu'on sort, c'est ce qu'on se disait avec Gilles tout à l'heure, qui est pro-lore, c'est tout à fait son droit. Parce que dans le jeu, on peut être énervé d'une personne, après, dans la vie, elle peut être vraiment plus adorable. Donc, c'est le jeu. Toi, t'es contente qu'elle soit sortie? Ouais, parce que bon, je pense que des histoires, il y en aura un petit peu moins, parce que je trouve qu'elle jouait sur les deux tableaux, mais vraiment, quoi. Là, à droite, elle écoutait. Des histoires, il y en aura un petit peu moins, il n'y a plus rien comme histoire. Non, mais je veux dire, déjà, là, encore, l'autre jour, là, je sais plus ce qu'elle t'a raconté, qu'elle avait vu des Sandrine. Ouais. Sandrine, laisse-la finir, quand même, Sandrine. Tu penses pas qu'elle jouait un peu trop la chef, la roqueuse, un peu là-dedans? Ah ouais, mais déjà, quand elle est arrivée, elle a voulu se mettre tous les mecs dans la poche, et ça n'a pas marché, parce que le but du jeu, c'est pas pour ça, quoi. Et puis, en plus, moi, ça m'a fait rire quand elle voulait à Laure, quand Laure s'est retrouvée toute seule, quand Julie est sortie, Laure, elle s'est tournée vers Jean-Edouard, vers Fabrice. Et là, Kimi, bizarrement, elle trouvait pas ça normal, quoi, qu'elle soit avec les garçons, alors que c'est elle qui a fait la première démarche vers les garçons, quoi. Donc, je la trouvais un petit peu contradictoire dans le jeu. Et par contre, très proche de Kenza, donc c'est pour ça qu'elles sont super copines, parce qu'elles sont aussi pourries que l'autre, et elles foutent autant la merde l'une que l'autre, quoi. Ouais, mais j'ai remarqué, par un moment donné, déjà, dès qu'elle est rentrée à la place de Delphine, rien qu'avec son blouson noir, je me suis dit, celle-là, elle va pas faire long feu. C'est féminisé, c'était un garçon manqué quand elle est arrivée. Ouais. Ah, c'est vraiment l'esprit, justement, avec Davidson. Mmh. Elle est ressortie, c'était vraiment plus le côté antarctique, hein. Ah ouais, non, mais elle est vraiment, moi je sais que déjà à l'entrée, elle n'en a pas plus, quoi, parce que autant Fabrice qui est rentré aussi au cours du jeu, il s'en est pas servi, c'est un atout, c'est un désavantage aussi, quoi. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Elle a voulu s'en servir, quoi, mais au désagrément des autres, et ça se retourne contre sa paume, quoi. Mmh. Mais ce qu'il y a, c'est que avec Fabrice, quand il est rentré juste après, il a pas. On dirait qu'à un moment donné, dès qu'il est rentré vers 2-3 jours après, on dirait que certaines personnes le laissaient tomber. Tandis que Camille, dès qu'elle est rentrée, tout le monde s'est mis à bien l'accepter, mais pourquoi pas Fabrice? C'est ça que j'ai pas compris, moi. Peut-être que parce que Fabrice, il a vu venir, quoi. Il était peut-être un petit peu plus lucide que les autres, quoi. Ça a beaucoup chagriné Gérard. Non, mais s'il y a... Je pense qu'il est un peu plus lucide à la limite. À ce niveau-là, il a peut-être été un peu plus lucide que les autres, quoi. À la limite, vu ce qu'il a dit alors, là, comme il a parlé fort, je pense que c'est un des seuls mecs qui parle comme ça, quoi. Et qui a le courage d'aller jusqu'au bout, même s'il fait un peu de mal sur le moment, ou verser sa larme alors. Moi, je l'aime bien, mais bon. Mais il fallait qu'il y dise, quoi, c'est vrai. Parce que c'est ce que tout le monde pensait tout bas, et c'était un bon. C'est ce que tout le monde pensait tout haut devant son poste. Oui, tout haut, dans le loft. Ah oui, dans le loft, oui. Moi, Jean-Edouard, il parlait un peu dans son dos aussi, quoi. Même s'il dit qu'il l'aime bien, mais le seul qui a eu le cran d'y aller, quoi, ça a été lui, quoi. Et je trouve ça bien. Hein. Non mais moi je pense que bon c'est dommage que j'ai pas pu parler à Guillaume tout à l'heure parce que je voulais savoir à peu près le nombre de voix qu'elle avait reconnu Kimi. Est-ce qu'il a reconnu 757 voix mais bon c'est pas qu'elle non plus qu'elle a reconnu 756 sur 800. Non mais ce qu'il y a c'est que à un moment donné moi je sais pas j'ai remarqué là tu pars mettre un coup de Daïda Wilson là. J'ai remarqué là lundi, quand je suis venu dans les studios pour dire comme quoi que je revenais. Du VCNET. Donc, le problème qui s'est passé, c'est qu'on a regardé avec Sandy, on regardait sur TPS, mais par moment donné, Loana, tout le monde l'a délaissé. Hein. Alors ou Loana? Loana. Alors, de toute manière, elle... Tu l'aimes pas? Disons, moi, j'aurais préféré que ce soit Ilor qui sort. Parce que Laure, ça fait déjà la troisième fois qu'elle a été nominée. Et ça va revenir, ça. Non, mais maintenant, elle va rester jusqu'à la finale. De toute manière, il ne reste plus que Loana et Laure. Ouais. Donc, automatiquement, je pense que ça m'étonnerait qu'avec Fabrice, elle aille quelque chose. Loana avec Jean-Edouard, bon, dès les premiers jours, c'était vas-y, je suis dans la piscine, c'est bon. Pour moi, personnellement, je pense pas que... Moi, je pense, à mon avis... C'est toi qu'on aurait dû avoir, toi, Guillaume. Non, mais moi, je pense... Moi, je vais te dire une chose. Franchement, le couple gagnant que j'aurais vu à la finale, et ça, c'est malheureux qu'elle soit sortie bien avant, c'est Julie et Christophe. Ça, c'était mon choix. Attends, je comprends pas, non, parce que tu comprends. C'était Julie et Christophe. Tu parles de France 3, tu mélanges non, M6. Non. Ah, tu non, dis c'est mon choix. Non, mais mon choix dans Love Story. Dans le Love. Attends, parce que je comprends plus rien. Attends, non, mais de France 3. Tu parles d'une autre émission qui s'appelle Love Story, alors que là, on parlait de Loft Story. Oui, ben, ça tu parles de Love Story, tu parles de C'est mon choix. Non, mais moi, ce que je voyais gagnant comme couple, c'était Christophe et Julie. Sans aucun doute. Parce que là, maintenant... C'est terminé, il en reste plus que deux semaines, à peine trois maintenant. Disons, il reste plus que deux jeudis, donc en deux jeudis, ça m'étonnerait que Loana et Jean-Edouard concluent. Moi, je trouve que c'est pas le principal. Alors ça, c'est une question que je me posais. J'ai pas tout bien écouté sur l'émission, mais... Gérard est là pour te remettre un petit peu les... Alors, Gérard, dis-moi tout. Les deux qui vont gagner, ils sont pas forcés de vivre ensemble dans la baraque, quoi. Non, de toute manière, il y a une... Et puis après, ils voient, quoi. Il y a une maison qui est destinée, mais ils feront chambre à part. Voilà. Donc, il faut qu'ils restent 30 jours, c'est-à-dire un mois. Ouais. C'est-à-dire, ils sortent le 5 juillet... Donc jusqu'au 5 août. Et de là, après, bon, on ne sait pas comment que ça va se terminer par la suite. Mais moi, personnellement, ça va être dur. Mais c'est une histoire à suivre. Hein. Mais moi, je pense que, tu vois, c'est bien qu'il ait fait sortir Julie. Parce que honnêtement, je trouve qu'elle apportait pas grand-chose au Loft. Elle n'était pas très pétillante. Elle était mignonne, mais elle était trop d'accord avec tout le monde. Quoi. Elle était... Ouais, mais au moins, elle était proche. Par exemple, si Loana elle avait un problème, elle discutait avec. Si Julie... Kimi avait un problème à discuter. Si Laure avait un problème à discuter, à discuter avec tout le monde. Tandis que là, il n'y a plus personne pour réconforter ce qui reste. Il reste Fabrice, Jean-Edouard et Christophe. Et Christophe, Christophe, on sait que Julie, normalement, d'après ce qui est dit, Julie l'attend à la sortie. Pour finir de conclure ce qu'ils avaient commencé. Jean-Edouard, bon, maintenant, apparemment, il s'est remis avec Loana. Donc, est-ce que ça va être une suite à venir ou pas? Fabrice et Laure, on ne sait pas. Parce que Fabrice voudrait aller plus loin et Laure n'est pas d'accord. Pourquoi elle n'est pas d'accord? Ben, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre... Elle va attendre la sortie du Loft. Voilà. Elle voudrait sortir. Mais si elle veut sortir dans ces cas-là, si au lieu de... Au lieu de pleurer, d'aller dire ouais, je veux sortir, non, bah, je reste, je veux sortir, je reste. Personnellement, pour moi, c'est pas une nana qu'ils auraient dû garder dans le loft. C'est tout. Ils auraient dû la faire sortir. Ce soir. Pas là ou sinon tu t'attaches les bras, mais tu non, non, mais même. De manière, c'est pas une. Là, maintenant, ils sont plus que deux, ils sont trois. Donc, ça va se terminer comment? Tu fais une pause près ou? Non, la meilleure solution, c'est de boucher ses manches au ciment. Non, mais de manière. Moi, je vais te dire une chose. Que la finale, ouais. y aura même pas un garçon, une fille en couple. Ah, sur rigole ou quoi? Ou Laure et Loana. Il a raison, Gérard, attends, non, tout est possible. Parce que là, le prochain qui sort, et on ne sait pas les sondages, parce que c'est dommage que Guillaume, on ne l'a pas. Et maintenant, comme c'est plus les par rapport. Alors, Guillaume à la place de Sandrine. Guillaume. Guillaume, bonsoir. Ah oui, bonsoir. Guillaume. Oui. L'homme à pipe, il habite en cuir. Alors toi, Guillaume, avec ton cuir et ta pipe, et l'autre avec son Harley Davidson, oui. De la balle. C'est de la balle. Ah oui, mon cuir contre sa rotule. Gérard veut te poser une question. Oui. Bon, Guillaume. Oui. Toi qui as suivi depuis qu'il n'y a plus de personnes qui disent qui veut sortir. Oui. À combien de pourcents Laure et Loana ont été votées? Par rapport à Kimi. Pardon? À combien ils ont été votés? T'es bourré ou quoi, toi? Non, mais attends, Gérard. Hey, c'est mon anniversaire, c'est moi qui bois, mais c'est toi qui bois. C'est ton anniversaire. Alors, remets un coup de cadeau, là. Alors, remets un coup de bordel sur combien, là. Fais-toi combien. Mets-toi un coup de spray, là. À combien? Tu du Wade Davidson, là. À combien de pourcentage ça s'est joué par rapport au vote du public? C'est sur Loana, Laure et Kimi. Avec Kimi, il y avait une vingtaine de pourcents et une trentaine de pourcents avec Loana. Voilà. Laure et Kimi, 20%, et Loana. Alors maintenant, il avait besoin de ces chiffres pour continuer son exposé. C'est important de le dire. Donc, mais comment que ça se fait que, là, durant la semaine, sur M6, comme il est en train d'essayer de vouloir jouer les. M6 veut jouer les gros bras. C'est grave. M6 veut jouer les gros bras vis-à-vis de TF1 avec le Big Bill. Alors, peux-tu me dire on mélange tout la grosse salade. Quand est-ce qu'on a eu les sondages des gens qui ont voté? Ah oui, non, mais c'est une question importante, en effet. C'est lié au Big Bill, en fait. Hein. Oui, en effet. Oui, non, je ne parle pas du Big Bill. Je te demande, quand est-ce que les sondages ont été donnés? Parce que moi, je le suis régulièrement après, la nuit. Toi, tu regardes la diffusion de 23h30, il fallait regarder à 19h. Non, mais réponds, non. C'est pas chier. Réponds, Guillaume, je t'en supplie. Donc, il n'y a pas de sondage. Alors, comme ça. Alors, mais attends, pour moi... Il a raison, cette semaine, il n'y a pas eu de sondage, il n'y a pas eu de statistiques au fur et à mesure. On l'a appris ce soir, les résultats. Ouais, mais alors, dans ces cas-là, pour les mecs, ça va être pareil. Oui. Il n'y aura pas de sondage. Oui, c'est pour le suspense. Si, c'est-à-dire qu'il y a tous les jours, tu peux voter, mais tu ne sais pas au quotidien, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, où est-ce qu'on en est, qui c'est qui sort, parce que sinon, ça peut influencer les gens. Donc, ils préfèrent maintenant garder le suspense, et le jeudi, ils annoncent qui sort, et ensuite, ils montrent les chiffres. Ouais, mais moi, c'est une règle. Non, mais c'est un peu juste prix, on avait dit justement que c'était mieux avant que la vitrine sorte le dimanche que tous les jours. Là, c'est le même principe, le jeu a changé. Mais pour moi, c'est con. C'est con. Parce qu'on ne peut pas savoir exactement. Nous, chez nous, on ne peut pas savoir, on aimerait bien être manipulé. Donc, on aimerait bien savoir comment on peut nous. Voilà, c'est qu'on nous laisse faire ce qu'on veut alors qu'on aimerait quand même être guidé comme des. Comme on dit, Gérard, son chiffre. Gérard, on dit le dicton quand le vase est plein, tout ça, c'est. Dis-le, de toute façon. Je m'en souviens plus, quand le vase est plein. Non, quand le vase est plein. Tu sais, la goutte qui fait le vase qui est plein, tout ça. Oh, je m'en souviens plus. C'était quoi non, c'était intéressant. Non, mais je vais m'en souvenir, je vais m'en rappeler. C'est tout, ouais. Voilà. Allez, hop, on laisse tomber. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Guillaume, bouge pas. Oh, non. Sandrine non plus. Enfin bon, on va récupérer après. On parlera également vite fait des colocataires si on veut bien. Mais c'est vrai qu'on est dans le loft. Non, bon, bah. Hop. Lui, on verra ça avec Sandy, on prend un conseil dimanche. Mais il est là depuis très longtemps, il écoute tout ce qui a été dit, il veut réagir sur le loft. Ah, s'il veut réagir sur le loft, il n'y a pas de problème. Il va réagir sur le loft sans aucun problème. Gérard, il y a nos malaises. On aura David également de Belgique qui voudrait parler de la prestation de Jean-Claude Van Damme qui a été extraordinaire ce soir et qui a saccagé toute l'émission. Enfin, je passe pour la production parce que nous, on s'est bien marré pour téléspectateurs. Ça a été un grand show. Il nous reste 3 minutes avant qu'on fasse cette petite pause. Gérard, c'est vrai, Love Story, là, on en est quasiment au bout. Arnaque ou bidon? Arnaque. T'es sûr? Il n'y a pas d'hésitation, c'est ton dernier mot. Non, c'est arnaque. Et de toute manière, comme Gilles l'a dit, c'est dommage qu'il a été zappé parce que je t'ai dit, quand il a dit, ouais, mais... Pour toi, c'est arnaque. C'est plutôt faux ou falsifié? Bah, disons, c'est faux et falsifié, non, parce que ça peut pas être faux. Vu que c'est contrôlé sous le huissier... Mais ça peut être falsifié. Ça y est. Des jets de pierre. C'est faux ou falsifié? C'est pas faux pour toi, mais ça peut être falsifié. Disons, ça dépend des appels. Mais comme on sait que ça a été contrôlé sous le huissier du 6, de manière l'enveloppe, on le voit bien. Il y a un cachet rouge, donc automatiquement c'est fait par l'huissier du 6. Oh, mais c'est, donc, oh, mais non, c'est mais le son de quel roi? Mais ça, on ne sait pas. C'est un seau d'eau, c'est un seau quoi? Non, mais c'est un seau. Non, mais c'est une grosse bague, parce que moi j'ai déjà vu. Et c'est ça, un moulage. Non, mais c'est la grosse bague, parce que Benjamin Castaldi a une grosse bague, là, comment on appelle ça? Une grosse chevalière. C'est son seau de Love Story. Et c'est vrai que. Non, mais ça c'est. Ça, ils savent. Déjà, là maintenant que c'est fait, donc tu vas le savoir lundi. Et lundi, lui, il a déjà son enveloppe pour savoir qui va sortir des garçons. Lundi, le sait pour jeudi? Ben, pour jeudi prochain, oui. Non, mais il a l'enveloppe, il n'y a pas le nom dedans, puisque le nom, on l'apprend que jeudi dans l'après-midi, puisque tout pendant tout le semaine. Il l'aura déjà le jeudi matin. Oui, c'est ça. Elle sera tamponnée jeudi avec le tampon jeudi matin. De l'huissier. Jeudi après-midi. J'ai compris, mais c'est pas jeudi matin, c'est jeudi après-midi. Ben, avant l'émission. Avant l'émission. Manu. Qu'est-ce qui se passe, Gégé? J'ai pas... Les voix. Non, mais t'as pas réagi, mais moi je vais te faire réagir. Alors, je vais te dire une chose. Tu commences pas comme ça, ou sinon, je dis tu te démerdes, tu fais le débat de la fête de la musique, tout ça. C'est vrai, tu le standard. Tu le remettras au standard. Tu le remettras au standard, ça lui fera du bien, ça lui fera les pieds. Manu. 1 sur 10. Je m'en fous, après tu sais pas. Au bout de 15, t'as un blâme. Et au bout de 30 blâmes. Non, mais je te préviens, tu peux être sur la scène. Je te préviens. Jeudi, le débat de la fête de la musique, si tu me fais chier. J'en ai rien à foutre, je vous plante et je me casse. D'accord? Voilà. Rendez bon entendeur, salut. Okay. On va arrêter d'ailleurs. Et voilà. On reviendra bien sûr dans un instant pour la suite et fin de cette émission de la Radio Libre avec Gérard qui, comme d'habitude, ne change pas. Il est toujours pas facile à vivre. On n'y peut rien. Et on revient avec du Harley Davidson sous les aisselles, avec encore du Love Story. Et voilà. Le Star System. Cunilingus quand même. Dictionnaire. Mmh. Excitation buccale des organes génitaux féminins. Est-ce que c'est clair? Radio libre sur Fun Radio. Tu connaissais la définition, Gérard, du cunnilingus? Non. Tu as déjà pratiqué le cunnilingus? Oh là, je peux pas te dire. D'accord, bah écoute, réfléchis-y pendant le week-end, c'est quand tu vas mettre la langue entre les cuisses de ta femme. Si celle-ci arrive à écarter les cuisses. Ah bah ça, faudrait voir, à réfléchir, il connaît pas. Pour terminer la Radio Libre, bien sûr ce soir avec Gérard, dont nous fêtions à la fois le retour officiel, on peut le dire, mais qu'il était venu déjà sur l'antenne et dans les studios, et l'anniversaire, c'est 40 ans. Profiter pour dire que Gérard sera de nouveau de retour avec nous jeudi prochain pour un débat sur la fête de la musique le 21 juin et le 28 également un débat sur Love Story, bien entendu, l'émission qui a fait des ravages, hein, c'est un phénomène de société. Nous parlons et nous restons sur Love Story pour terminer cette soirée avant de conclure. Non, c'est ça, 20 ans de Bordeaux qu'il a depuis très longtemps, qui aurait voulu parler de son colocataire, mais on fera ça lundi. Ouais, on passe à lundi, mais on peut parler de Love Story si tu veux. Et justement, c'est ce que je souhaitais, parce qu'il paraît que tu voulais réagir à ça, donc on t'écoute. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que pense Gérard, à savoir que Jean-Edouard et Loana ne se remettront pas ensemble. Ah. Moi, je pense que... Bah, ils sont ensemble, ils ressortent ensemble de nouveau, là. Je pense en fait que Kimi dérangeait Jean-Edouard du fait que, bon, on ne savait pas à chaque fois, il hésitait entre les deux, même si il fait ses petites histoires avec Loana. Et je pense que c'était logique, et Fabrice se mettra avec Laure, Je pense que Laure a fait son petit jeu, son petit manège dans le confessionnal à dire ouais, il s'est passé quelque chose à Love Story avec Fabrice, ça a flambé. Bon, moi, j'y croyais pas, j'ai parié quand même sur sur Kimi avec j'ai parié avec mon frère, j'ai gagné 200 balles parce que Kimi est sorti. Voilà. Mais Nance, Nance, oui. Tu crois pas que, à mon avis, Laure en fait un peu trop parce qu'un joueur va dans le concessionnat. Non, non, non, ah ben, chez le concessionnaire. Mais tout à fait, elle en fait trop, mais tu crois pas qu'elle dit ouais, mais je veux sortir. Après non, je veux bingo, je veux une réduction. Elle ressent, elle ressent que c'est bon, c'est pas bon, et puis pour finir. Parce qu'en fin de compte, ça fait trois fois qu'elle est nominée. Elle ressent sa veste, quoi, en fait. Non, mais attends, il faut quand même avouer, il a raison. À chaque fois qu'elle va dans le concessionnaire, elle pleure à chaque fois dans le concessionnaire. Dans le confessionnat. Dans le confessionnat, pardon. Oh, je sais pas, là... Non, mais t'as raison, dans le confessionnal, elle pleure à chaque fois. Non, mais moi, je trouve que c'est quand même... Dans le confessionnel. Je crois qu'elle en fait un peu de trop, non? Elle en fait un peu trop, je suis d'accord, mais moi, je pense que, bon, c'est truqué. Il y a des auditeurs fantômes qui appellent au bon moment du direct. D'accord. Je pense que c'est truqué. Alors, bon, c'est spécial, c'est en direct, c'est l'attitude joue de la prod. Mais je prends une question que je vais te poser. Oui. Je sais pas, t'es pas obligé de me répondre. Mais par rapport à ce qu'on a vu ce week-end, l'histoire de la couette, comme quoi que Fabrice il voulait aller plus loin et qu'elle ne voulait pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais réponds pas, hein, t'es pas obligé de répondre. Hein. Pour avoir la suite après le jeudi, après l'élimination. Donc tu penses qu'à ton avis, tu penses que ça va. Pour avoir du suspense. Donc tu penses que ça va aller plus loin là maintenant alors? Ah tout à fait, je pense que là c'est bon là Laure c'est sa dernière carte là, c'est bon. Va tenir là. Ça dans mon schéma après c'est Christophe qui part et puis bon après enfin ça sera le tour de Laure et Loana et Jean-Edouard grand vainqueur pour moi. Moi je sais pas mais je trouve que j'aurais préféré que ça soit J'aurais préféré que ça soit Laure qui sort, parce que elle se la joue un peu trop, parce qu'elle va toujours se plaindre, elle va dire ouais. D'accord, merci. Est-ce que c'est pas grave, est-ce qu'on peut imaginer éventuellement, et ça c'est un truc hors caméra, mais qu'elle aurait par exemple une sœur jumelle et que de temps en temps, pendant le concessionnaire, elle profiterait du concessionnaire pour sortir du loft et faire entrer sa sœur jumelle. Ce qui fait qu'il y aurait deux Laure. Une, la vraie, celle qu'on aime bien, celle qui se tait. Quand elle parle, et sa sœur jumelle, qui pendant qu'elle est dans le concessionnaire, en profite pour faire un changement, et là, c'est la chieuse. Non, mais ça, on peut pas dire, parce qu'en fin de compte, ce qui se passe là, c'est qu'on ne sait grave. Pas, parce qu'elle a. Elle retourne son. Sur ses deux pattes. Elle retourne son fusil d'épaule, si tu veux. Parce que, elle retombe, moment, alors attends. Là, toute la semaine. Elle retombe son fusil d'épaule, oui, d'accord. Ouais, toute la semaine. Et dans quel sens ou dans quel but? Non, mais elle dit, ouais, je veux partir. Je veux rester, je veux partir, je veux rester. Mais justement, mais ça te parle de deux sœurs jumelles. Non, mais le problème qui est dans elle... Née sous le signe des Gémeaux. Non, mais on ne sait pas si elle est née sous le signe du Gémeaux, celle-là. J'espère pas, parce que c'est pas une bonne nana. Hein. C'est plutôt une... Donc toi, tu pensais quoi concernant là? Non, pour moi, je pense que... Statistiquement. Pour moi, ça, c'est pas une joueuse. Elle joue pas le rôle... On y a donné dès le départ, parce que ça fait déjà... Je rappelle que c'est un jeu, mais bon, avec un rôle bien défini, avec des textes... Oui, parce qu'en fin de compte, les trois quarts du temps, quand tu lui demandes de faire un défi, tu la vois presque pas là-dedans. Alors que Fildar, à l'époque, bon, il a arrêté, mais quand il faisait ses défis, il allait jusqu'au bout, il les faisait. Oh, bah, alors, lui, Non, mais sans plaisanter, lui, il les faisait. Alors que elle, si on lui demandait de faire un défi, elle le faisait pas. Non, mais là, comme là, pour chanter la chanson là qui est sortie... Personnellement, tu la vois, elle est comme ça. Ouais, elle fait semblant, elle joue pas le jeu. Elle chante pas, donc pour moi... Elle est snobinaire, elle snob. Pour moi, c'est pas une nana qui devra rester là-dedans. Elle aurait dû sortir. Et Loana? Loana, bon, c'est pas pareil. Elle, au début, tout le monde l'a laissé tomber. Mais maintenant, je m'aperçois qu'elle veut discuter un peu plus avec les gens qui restent. Parce que peut-être qu'au départ... Elle avait un doute de savoir comment que ça allait se passer. C'est vrai que c'est pas évident. Très timide, très renfermée. Elle est timide, même tout le monde au départ. Ouais, parce que niveau caractère, toi, tu la vois comment, toi, qui as dû faire attention à tous ses faits et gestes. Bah, disons. Psychologiquement, tu la sens comment? Affaiblie? Ben, maintenant, oui. Ouais, parce qu'en fin de compte, les deux dernières filles qui restent, elles sont là depuis le départ du LOF, ouais. Psychologiquement, elle est atteinte? Non, pas trop. Je dirais pas atteinte à 100%, mais... 90%? Non, même pas. Non, mais c'est que... 83? Non, mais même. Ah bon, pardon. C'est que tout le monde, par un moment donné, l'a laissé tomber. Ils ont... Ça fait mal. Bon, dès qu'il y a eu Kimi, après, c'était pareil. De toute manière, il y en avait pour Kimi. Bon, maintenant, Kimi est sorti, donc c'est pas pareil. Fabrice, c'est différent, parce que lui, c'était le jongleur. Et en fin de compte, jongleur, on ne l'a pas vu beaucoup. Jongler. On ne l'a pas vu trop à l'épreuve. On aurait aimé le voir. C'est vrai qu'on s'attendait à avoir des torches en feu. Ouais, mais on ne l'a pas trop vu. Donc pour moi... Dans le concessionnaire, d'ailleurs, il a même revendiqué être un cracheur de feu. On ne l'a pas vu. Hein. Ouais, mais ça... On aurait aimé. Bon, voilà, ça c'est on différent. On aurait aimé voir bouffer de l'essence et puis cracher de feu. Non, mais moi je te dis, je leur dirais, le couple Glaneur... Et Christophe, non mais terminons sur les cinq qui restent, Christophe. Bah Christophe, maintenant que Julie est partie, c'est vrai qu'il ne sait plus trop à qui se confier. Ouais. Il est déstabilisé depuis la sortie de Julie. Oui. Et ça se voit bien parce que bon, il rigole, mais c'est pas comme quand il y avait Julie. Bon, tu me diras, il y a plus de couple du tout parce que Jean-Édouard, lui, il est en couple avec Loana, donc ils sont encore là tous les deux. Non, mais alors, il est avec Fabrice, logiquement. Non, mais je veux dire, peu importe, c'est-à-dire qu'ils s'entrouvent. Christophe est quand même maintenant vraiment là au pied du. Bah là, il est au pied du mur. Au pied de la falaise. Là, au pied du mur. Au pied de la. Je serais vache. Mais... Ah, plutôt taureau. Non, mais je pense que ça sera sûrement Christophe qui va sortir jeudi. Oh, t'es vache. Non, mais je pense. Jean-Édouard, qu'est-ce que t'en penses? Bon, Jean-Édouard, lui, il n'a pas été nominé beaucoup. Donc, une fois au départ, la première fois, c'est tout. Vu les deux premiers jours, bon, il s'est fait Loana dans la piscine, ça c'est vrai. Bon, maintenant, il se remet avec Loana. Est-ce que c'est pas une stratégie pour essayer de se faire, tu vois, pour se faire bien voir par les spectateurs? Disons, le problème qu'il y a, c'est vrai qu'il y a gros à la finale. Il y a quand même une maison à 350 000 balles. Mais ça, c'est une belle cabane dans la forêt de Rambouillet, ça. Ça, c'est vrai que. Et en plus, dans les arbres, dans un chêne. Non, mais il s'appelle. 350 000 balles, une baraque, putain. Non, mais il s'appelle pas encore dans quelle ville que c'est. Ah, bah là, je sais pas, mais là, c'est. Mais toi, là, c'est dans une jupe. Non, mais attends, là, c'est dans les bidonvilles de Rio, là, mais. Je sais pas si. Non, mais attends, toi qui t'es. 350 000 balles, une baraque de rêve, franchement, là. Non, mais toi qui est quand même pas mal. C'est dans la forêt de Bombigny, hein. Toi qui es quand même pas mal branché avec M6, tu pourrais nous le dire d'ici le 28. Ah bah, je pourrais vous parler de cette superbe baraque qui risque de gagner à deux à 350 000 francs, oui bien sûr. Un bon 20 mètres carrés à deux. Non mais je trouve que pour moi, le couple c'est gagnant. Pièce, hein. Moi j'aurais vu Christophe et Julie. Ah, même pas. Maintenant, maintenant, en espace de deux semaines, tu peux pas avoir un couple. Cette superbe maison, là, effectivement, qui est à la clé pour le couple qui gagnera. Donc, même Gérard le dit, c'est peut-être pas forcément un mec et une fille, c'est peut-être deux mecs ou deux nanas qui gagneront. Donc, en plus de ça, ils vont être obligés de tenter l'expérience homosexuelle. Est-ce qu'ils peuvent ne pas faire plaisir? Non. Automatiquement, t'as une nana et un mec. Parce que t'as c'est même pas sûr qu'il resterait de nana à la fin. Si. Alors, de toute manière, maintenant que Kimi est parti. Maintenant, la semaine prochaine, ils vont virer un mec. Oui, et après il y aura quatre personnes, deux nanas et deux mecs. Si un truc, ils virent les deux mecs. Mais non. Il restera deux nanas. Mais non, parce que c'est toi-même qui l'as dit lundi. Après, ils virent automatiquement un couple. Oui, mais ça peut être un couple de femmes, pour rester que deux hommes. Ah ben non, un couple, c'est deux. On ne sait pas si c'est forcément deux femmes. Il peut y avoir un couple d'homosexuels. Bah ça dépend. Dans la vie. Peut-être que le couple. Mais enfin, le doute t'habite. Le couple. Oh merde. Le couple qui reste que de sortir, ouais, c'est alors, ou le couple ou Loana et Jean-Édouard ou Laure et Fabrice. Non, ils disent un couple. Bah oui. Un couple, ça peut être ces deux. Et bah deux, alors, ça peut être. Et bah, il y a deux garçons et deux filles, donc il y a. Donc, automatiquement, tu peux pas faire l'amour avec deux nanas. Bah si. Mais dans ce cas-là, c'est que t'es bi. Mais non, en ce moment, c'est sûr que t'es gouine. Bah voilà, et alors bah, je suis en train de elle t'es bien, elle t'est bien avec le mec. Non, mais t'es pas sérieux, là. Mais moi, si, je suis sérieux. Écoute-moi. Mais moi, je veux dire... Écoute-moi. Non, mais... En imaginant que Christophe sorte, ouais. Donc il reste... Bah, Christophe, il va sortir. Bon, ça, bon. C'est sûr. Exclu, Fun Radio, il est minuit et 8 minutes. Gérard de Suren vous l'annonce en exclu. Il le sait, de sûr, ce sûr, Christophe sort. Christophe sort. Mmh. Il reste donc Jean-Édouard, mmh. Fabrice, mmh. Loala, ouais. Et Laure. Ouais. Donc 4 personnes. Mmh. Donc, s'il faut rester un couple, il peut y avoir effectivement ou Laure et Fabrice qui sortent, et donc il en resterait deux, ou Laure et Jean-Edouard, toujours un couple, ou Loana et Fabrice, il reste un couple, ou Loana et Jean-Edouard, ou alors il peut très bien y avoir, on a envie de sortir. Ah ouais, mais c'est vrai, c'est là que. On peut sortir Loana et Laure, et donc il reste deux hommes. Ouais, mais là, ils vont pas faire gagner le truc pour deux hommes. Et alors, je pense pas. 350 mètres carrés pour des homos. Non, mais c'est vrai que j'avais pas pensé. Ils auront deux difficultés, c'est de vivre ensemble à deux et de s'improviser au monde. Non, mais c'est vrai que j'avais pas pensé. C'est qu'il y a quand même deux hommes et deux filles. Donc, c'est ça que je te disais ça. Donc, je me permettais de te dire ça. On pense que la balance. La balance, c'est pas sûr que ce soit un homme et une femme qui restent à la fin. Ouais, mais de savoir qui va sortir jeudi, on ne sait pas. Moi, je pense que c'est Christophe. Dans tous les pays où ça a eu lieu, ça a toujours été un homme et une femme, il y a toujours eu un couple, sauf en Grèce, où il y a eu deux hommes qui sont restés. Moi, ça, c'est toi qui le dis. Hein ? C'est pas moi, c'est toi qui le dis. Bah, je te le dis parce que c'est la vérité. Dans Big Brother, en Grèce, ça a été deux hommes. Ouais, d'accord. Ils ont hésité avec la chèvre. Non, non, mais ça déconne, ça a été deux hommes. Non, mais c'était Nana Moussouri ou des micro-sauces qui les attendaient à la sortie en fonction. Là, je vais te dire. Je te jure, c'est vrai. Et ça s'est passé dans un loft à Mykonos, et j'y étais, j'ai vu. Une question que je vais te poser. Ah bah ça tombe bien, une question là. À 5 balles. Ouais, bah tiens. Tu les as même pas. Non, c'est toi qui as... 5 balles, là t'es bon pour me donner tes 3 bagouzes. C'est toi qui as la somme des 5 balles. Qu'est-ce qu'ils font du chien? Hein? Qu'est-ce qu'ils font du chien? Le chien reste là-bas. Ah non. Ah bah si, ce qui se passe à la fin, et ça personne le sait, moi je veux le dire, c'est qu'à la fin ils ferment le loft à l'intérieur, ils laissent le chien dans le jardin, ils lâchent les poules et les poules bouffent le chien. Non, mais bah attends, ça, tu crois que c'est les poules qui vont bouffer le chien? Bah, les poules, elles ont pas mangé depuis le début du loft, on fait croire qu'ils ont mangé, elles vont le picorer. C'est le chien qui va bouffer le poule. Ce qui va se passer, c'est comme normal avec un lion, pour essayer de le rassasier avant qu'il aille dans un ciel, pour éviter qu'il bouffe ils vont tout simplement lui faire bouffer des boîtes et des boîtes et des boîtes. La chienne, elle va taper des proutes au soleil, les quatre pattes en arrière, ils vont lâcher les poules, elles n'ont pas mangé depuis le début, elles vont voir le picorer, puis voilà, elles vont lui bouffer tout. Non, mais. Une poule qui est à faim, je veux dire, ça commence par le chien. Elle va bouffer le rognon par le départ, hein. Elle va pas commencer par les cuisses ou les ailes, hein. Crois-moi. La chienne sera adoptée après la finale de. Ah, bah, pour adopter le chien, il va falloir adapter les poules, parce que le chien, c'est les poules, après, il se débrouille, hein. Ah, le chien, il va être éparpillé dans les 6 poules, alors forcément, il va falloir adapter les poules pour adapter le chien, hein. Non, mais. Pour l'adopter. Voilà ce que je voulais dire. Ah, voilà ce que j'avais à dire aussi, moi. Parce que j'ai exclu. Voilà. Alors, pour terminer là-dessus, j'ai des exclus, je te raconte, moi. Pour terminer là-dessus, parlons de cette maison de 350 000 francs. Comment on peut imaginer cette maison, à ton avis? Cette maison de. C'est une maison brève. Ah, c'est même plus la maison Berlin, là. C'est... Non, là, je peux pas te dire parce qu'ils savent même pas dans quelle ville qu'elle va être construite. Non, ils savent pas encore. Ils savent pas encore. Ils savent pas encore. Elle n'existe pas. Pour l'instant, ils ont rien trouvé. Alors, encore, pour 350 000 balles, là, à mon avis, on peut pas non plus en faire partout en France. Pour l'instant, personne ne sait où que ça va être. Hein. Là, il y a quoi? Il y a éventuellement dans une montagne, sur une montagne, mais alors perdu, 350 000 balles. Non, mais ils savent pas, alors. De toute manière, en plus, le couple qui va gagner, ils vont être sûrement pas, il faut qu'il reste 30 jours. Parce que j'ai peur, c'est qu'avec 350 000 balles, ils puissent faire que le garage, quoi. Non, mais on sait pas, on verra bien. On verra bien la suite et puis c'est tout. Tu l'imagines comment, toi, demain, t'as 350 000 francs, une baraque, de top, une baraque de 350 000 francs. Ah, moi, je m'achète un chalet, moi. Non, mais d'accord. Non, mais comment tu la vois, cette maison de 350 000 francs, la maison de tes rêves, 350 000 francs? Bah, jardin, tout. Non, mais d'accord, mais on rentre à l'intérieur. Fais-nous vivre. Ah, super salon. Super salon. Grand, combien? 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. Banco. 300 mètres carrés, comment tu verrais le design à l'intérieur? Comment? Canapé en cuir, angle? Ah non, canapé cuir, les meubles, imitation. Attends, 350 000 balles, je veux dire, il n'y a pas besoin d'imitation. Hein. Je veux dire, tu peux y aller, tu peux demander du rien. Non, mais je fais de l'imitation, du bois. Du Vico? Vico? Non, un bois spécial. Kevlar. Style ancien, tu vois. Style Ikea, quoi. Voilà. Ikea patiné. Tais-toi, là-bas. Donc, d'accord. Après, tu es quoi, avec des étages? Ah ouais, des étages avec des escaliers qui en forme de... En colimaçon, là, qui tourne, là, comme ça, là. Comme dans les années 70, à la bonne époque. Voilà. Comme quand tu vas au parking... Avec un bon petit bar. Avec un parking dessus. Avec un bon petit bar, avec pour servir. Comme en discothèque, ouais. Et les trucs, c'est un peu comme si tu étais dans un parking, quoi. Ouais, d'accord. Donc un escalier de parking. Voilà. On pourra faire pipi dans les escaliers comme dans les parkings. T'as raison, toi rêve. Avec deux, trois poivrons qui t'en vont. Comme lui là-bas. Vous avez... Alors donc qu'est-ce que tu veux après dans le salon un ordinateur. Non, super télé. Des cabines pour payer avec des tickets de caisse. Non tout. Mais super, comme dit, super, comme super dans télé. Super télé. Chez toi dans ton parking quoi. Non mais super avec télé. Avec la piste et tout, tu fais ta quête quand t'as ta meuf. Non mais super super télé là. Tu t'allonges sur le canapé. Viens, il nous montre le mur. Il nous montre le plafond pardon là. Télé au plafond. Ah ouais, c'est que ça se fait maintenant hein. T'as des télés que tu peux bouger d'une télécommande et t'es dans ton lit, tu regardes la télé. Hein. Ouais, enfin là t'es en train de nous faire comme si t'étais dans un formulaire avec le formulaire avec la toute petite télé qui est beaucoup trop haute que tu peux pas plier, tu te fais un torticolis quand tu regardes une nuit quoi. Non mais toi c'est le salon Formule 1 quoi. Ah ouais ouais, carrément moi. Ah bah yo, carrément. La cuisine. Bon, cuisine équipée, c'est tout. Hein. D'accord. Non, pas de douche. Justement, j'allais dire, quoi d'autre tu m'as enlevé, c'est dommage. Alors, non. Quoi d'autre encore? Bah, piscine à l'extérieur, tout. Voilà. C'est tout? C'est toutes les pièces que tu aurais? C'est combien de pièces pour les enfants? Bah, deux. Deux. Trois pièces pour les mômes et puis deux pièces pour moi. Deux pour les cacher quand les invités arrivent. Non, mais une pièce pour pas qu'on les voit. Non, mais une pièce pour moi, puis une pièce pour les amis. Puis même, à la rigueur, un cabanon pour enfermer ce que non, je veux pas voir. Non, mais sérieusement, ouais, tu fais ça, tu ferais t'auras un grand jardin. Ah ouais, moi, jardin, j'adore. Ouais. Moi, c'est ce qui me fait rêver, c'est d'être sur dans un jardin. Un grand jardin. Avec un hamac, là, vas-y, je te laisse... Une toche. Un hamac, qu'est-ce que je viens de dire? Ah, je dis quoi du copain de ta femme. Ah, bah, c'est là, mais non, mais je suis pas d'un Macintosh. Un Mac. Le truc que tu te balances tranquille, là. Eh ben, comme, c'est ce que je viens de te dire. Un Mac. Accroché à chaque bout, là. C'est moi qui te parle. Un Mac. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Un Mac. Non, ça, c'est un Mac, c'est un Macintosh, un ordinateur. Non, ça. Mais c'est bon. Moi, un Mac. Ouais, je m'en fous, ouais. C'est pas pareil, quoi. Non, c'est le mec qui ramasse le blé de ta meuf. Bon, ta gueule, pas. Tout à l'heure, il va aller ramasser le blé que t'as perdu. Il y a juste une pièce que t'as pas citée, mais c'est la salle de bain. Ah, ben, salle de bain. Ah, la salle. À la pluie, à l'ancienne. Comme il voit que 800 mètres carrés de surface habitable, il ne veut surtout pas trop prendre de place pour la salle de bain. Non, mais ça, la petite tuyau d'or. La salle de bain, c'est mon problème. Un salle de bain, mon petit studio. Non, mon petit bureau et tout. Un carrefour. Hop, il fout la pression. Non, mais des détecteurs de fumée, tu sais, les trucs qui tombent tout seuls, là. Ouais, t'as raison, toi, là-bas. Fait qu'il y a un arrosage. Bon, Frablo va. Non, mais il fera le tuyau d'arrosage, tu sais. Et c'est comme les gars. Tu sais, quand tu mets dans les jardins, c'est le truc qui fait. Qui va d'un côté de l'autre, lui il saute dessus. Ouais. Il essaie de pas se faire attraper par l'eau, il court derrière. Tu ne mourras pas. Avec un savon derrière qui me court derrière. Ouais, c'est ça. Non, mais on rigole. 350, c'est vrai que 350 000 francs, tu peux vraiment te payer la baraque de terre. La piscine, tu la vois comment? Piscine gonflable? Oh non. Hein? La piscine, carrément, tu la vois, la grande piscine comme on voit à Saint-Tropez, là, qui fait de. Non, vue la sur piscine la... comme ils ont, là. C'est qu'on appelle ça, là, qui a pas de. Qui chute après, c'est qui est. Ça porte un nom, ça. C'est les fameuses piscines où t'es face à la mer. C'est qui a pas de limite, quoi. Ouais, ça porte un nom, mais tu sais, illimité, là. Versement, chute, ouais, une sorte de chute, toi, un truc comme ça, toi, un truc démentiel. Ouais, peut-être. Avec des rochers. Un peu par un peu, pardon. Non. Non. Des poissons dedans. Un peu comme la Lorada, quoi. Non. Un peu comme celle de Johnny. Bon, attends, ça va, ouais. Ah oui, celle qui a la chance. Ça serait plutôt la cacado à lui. Ouais. Bon, allez, c'est bon. Le seul truc, c'est que pour 350 000 balles, t'as pas le tout à l'égout. Et toi, t'as pas le problème. Il y a peut-être pas le tout à l'égout, mais toi, t'as le trou du cul mal bouché. Tu sais, tu peux avoir le tout au puits. Hein, c'est-à-dire que tu descends ta femme, tu la fais descendre au puits. Ouais, non. Alors, monte pas. Hein. Tu peux la faire monter. Ouais, t'inquiète pas, bébé, c'est des conneries. Je t'aime. Non, c'est pas des conneries, tout au puits, ça existe. Hein. Je t'aime, mon amour. Non, mais par contre, pour ça, des fois, ils mettent des mecs avec des casques, ils les laissent comme ça, ils arrivent pas à remonter, puis après, on les remonte et tout, on y met les moyens, on fait des trous. 70 personnes pour remonter, ça peut être pareil pour ta copine. Hein. Pour les toilettes, j'ai juste un chiotte à la turque, un cabanon dans le jardin ou un truc. Ta gueule à toi, bah, je te demande. Mais tu répondrais pas, je te répondrais pas. Si tu parles de chiottes, une fois tous les 3 mois, tu te fais un petit lavement, puis c'est bon, quoi. Je te répondrais pas. Un petit lavement tous les 3 mois, que c'est tendu dans un des cabinets. C'est de l'eau, t'es obligé d'appuyer. Mais ça, c'est vrai. Non, mais je te répondrai pas, Manu. Alors, non, mais pour déconner, mais en étant sérieux, tu sais qu'on peut faire des économies d'eau. Hein. Il y a une pub en ce moment qui tourne à la télé, c'est sérieux, concernant un mec qui se brosse les dents et qui laisse tourner le robinet. C'est ce que je fais. Je voyais que ça fait perdre de 8 à 10 litres d'eau. Donc des économies d'eau. Il y a une pub comme ça. Ils peuvent faire pareil pour les cabinets. Moi, je me souviens, et c'est vrai. Je le jure, sur la tête de ma mère, je me souviens d'ici, à l'époque où il y avait Florian Gazan, entre midi et 13h, il avait invité Cousteau, qui lui parlait d'un truc qui avait l'air tout con, c'était les cabinets, les toilettes. Il y a souvent les gens, pour un oui, pour un non, ils tirent la chasse et c'est je ne sais combien de litres d'eau qui sont comme ça, et donc il faut faire des économies. Donc ils ont inventé le fameux, tu sais, le fameux bouton où quand tu fais pipi, c'est le petit eau, et après pour le gros caca. Mais toi, tu pourrais très bien emmagasiner jusqu'à ce que ça déborde. Ouais, je m'en fous. Là, tu tires la chasse. Allez, on va trop loin. Non, mais tu fais comme les chats, tu fais un trou et puis tu recours. Non, mais c'est bon, on va trop loin. Allez, hop, on arrête et puis c'est tout. Tu veux qu'on se rapproche? Ah oui. Allez, hop, terminé. Bon, alors la maison... Terminée. Non, mais c'est beau. Mais attends, mais tu nous as fait rêver. Mais attends, l'autre, il est là. T'as pas envie de l'avoir, cette baraque? Je parle, j'ai pas les sous. Alors. Non, mais d'accord, mais si demain tu les avais, c'est comme ça. Et quel, par contre, sérieusement, si tu pouvais te la faire construire où tu veux, comme les deux homos, les deux gwynes qui vont gagner au loft, qu'on sait pas, c'est peut-être deux femmes ou deux mecs, quelle région de la France? Ah, je... Sauf en dehors de l'Est, l'Ouest, Nord et Sud. Ah non, mais je dis pas où, moi. Je dis pas où. Non, ben, tout. Tu peux parler de la région. Ça serait plutôt en Normandie, en Bretagne, dans le sud de la France, plutôt en Alsace, plutôt dans le centre. Ah non, moi, plus du côté de la de Marseille, par là. Ouais. Je serais plus tranquille, peut-être au moins. Peut-être Saint-Émilion, pas aller se taper un bon Bordeaux ou un truc non, comme ça. Non, mais là-bas, Marseille, là-bas, t'es tranquille. Au bout d'une jetée, par exemple, près d'un rocher. Tu non, j'ai un vieux port là-bas aussi, c'est le problème. Bon, ta gueule à toi. C'est vrai, il y a le vieux port de Marseille. Et c'est parce que deux, ils veulent avoir de la concurrence, c'est bien joué. Mais il a raison, ceci dit. Non, allez, hop. Ouais. Laisse tomber. Laisse tomber, ça. Et puis ça serait bien pour Marseille, sur la frais de la pub. Déjà qu'il y a le TGV qui va là-bas, donc il y a encore plus de monde qui viendrait là-bas pour aller voir un petit peu le spécimen. Et puis on a déjà vu des requins, pourquoi pas des baleines. Ouais, c'est ça. C'est ça, t'as raison. Allez, bon, on arrête. GG. En tout cas, c'était bon esprit, ouais, ça. Ouais, on arrête. Hein, c'était bon esprit. Je suis là, lui, là-bas. C'est quelqu'un qui est pressé de prendre l'antenne, mais on prend notre temps. Alors, non, mais c'est vrai, j'avais dit que je restais un peu avec lui en plus. Alors, Gérard, donc. C'est vrai, c'est Evan en plus. Hein, mais ta baraque. Non, mais c'est bon, ça y est, on en a discuté, on va pas en rediscuter. On va pas en discuter. 3 heures. Bon, on arrête ce soir. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Jeudi prochain, débat de Gérard, hein, sur la fête de la musique. Voilà. Il va falloir être là, venez avec vos instruments et vous pourrez bien sûr. Non, mais par téléphone. Il faut faire un peu de musique sur la fin quand même, on peut plaisanter un petit peu, quoi. Bref, merci Tildar Manu NK. On se retrouve pour nous dimanche, bien sûr, pour la radio avec Balade Nocturne minuit 1h. Et dans un instant, on vous passera un extrait de la compile. Et puis également entre 21h et minuit pour la radio libre. Ce soir à la Loco et samedi soir au Soleil à Montpellier. Merci Gérard. Et puis bonne fin de nuit. Hein. À toi aussi. Hein. Et puis t'achètes qui ira acheter la compile. Tu rêves. Ouais, j'ai pas de... Non, oui, je rêve, oui, en fermant les yeux, en écoutant la musique. Ouais, ben, tu vas me l'offrir. Hein. Extrait de Balade Nocturne volume 2 qui est sorti depuis le début de la semaine. Voici un extrait de cette compile. Merci encore à Gérard, merci à vous de nous avoir suivis. Et j'espère que demain soir, je l'espère, mais ça, rien n'est promis, que Kimi sera à mes côtés, bien sûr, pour nous raconter la sortie du loft. Bonne nuit, à dimanche. Non, je dis à dimanche, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est dimanche, c'est demain, vendredi. Oh là, je suis complètement dans le gaz, moi. Et toi, tu me dis rien, Gérard. Rien du tout. Toi, tu restes dans le truc comme ça. Hein. Mais c'est normal, t'as été troublé parce que tu fais mon anniversaire avec 3 jours d'avance. Ouais. 3 jours d'avance, c'est beaucoup de transpi. Voilà. Bonne nuit à tous.